monstre, c'est la crête, c'est pas la pierre qui t'a meurtri la tête. Mais cache-toi et ta maman, on va croire qu'il y a un enfant qui aime encore ses parents. C'est pas un mec qu'on y arrivera. Toi-même des anarchistes comme toi. C'est pas un mec qu'on y arrivera.